Dieu doit te former. Mungu ni atakutunga. Dieu a besoin de quelqu'un pour envoyer en mission. Mungu anahitajia mtu amtume mkazi. Mais Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un en mission qui a une qui n'a pas de forme. Mungu hawezi kutuma mkazi kama hana raison pour laquelle Dieu t'aidera toujours. Dieu pana Mungu atakuchonga vizuri. Et quand tu es en train de détailler. Yego nakuchonga chonga vizuri. De part et d'autre. Kongambo yote. Ça te fait mal. Ikuna ukumiza kabisa. Ne retourne pas en Égypte. Basi surudie tena mu Misri. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël, à cause du manger seulement, ils ont préféré rentrer en Égypte. Or, on nous a dit, le secours de l'Égypte, c'est un secours qui est vain. Musahada ya Misri ya ole kabisa ya bure. Mais dans l'Égypte il n'y a rien. Maana yake mu Misri hamuna kitu. Mais tourne-toi vers l'avant. Wewe ugeukia tu angalia mbele. Parce que c'est là où tu auras ta vie. Sababu ni kule utapata uzima yako. Alors Dieu doit donner une forme dans le désert. Mungu sharti kupatia mfano moyo mjangwa. L'école que Dieu nous dans laquelle Dieu nous forme. Shule ya Mungu mule Mungu anatuweka mo. Cette école c'est dans le désert. Na ile shule ni ndani ya jangwa. Et celui qui accepte le désert, mwenye anakubali jangwa, il fera que Dieu puisse ne puisse pas l'exterminer. Atamufanya Mungu asimumalize kamwe. Alléluia. Amen. Accepte là où Dieu te veut. Kubali kule Mungu anapenda kupeleka. Là où Dieu te fait passer. Kule Mungu anakupitisha. Les difficultés que tu vois. Matatizo ile unaona. Tu ne les verras plus encore. Hautaiona tena. Parce que Dieu est avec toi. Kwa Mungu ni pamoja nao. Parce que Dieu est avec toi bien aimé. Mungu ni pamoja nao. Aujourd'hui nous avons besoin de lâcher. Masiku za leo tunaanza kuacha. Si je vois que la situation devient vraiment empirant. Kama naona hali inakuwa mbaya kabisa. Je manque de chaussures. Nakosewa viatu. Je manque à manger. Nakosewa chakula. Je n'ai pas des habits. Nakosewa mavazi. Les enfants n'étudient pas. Batoto abajifunze. Je vais recourir en Égypte. Napenda kurudia mu Misri. Le secours de l'Égypte c'est un secours qui est vain. Napenda msaada ya Misri ni ya bure. On peut te donner aujourd'hui. Leo unaweza kupatia kitu. Mais demain tu auras encore besoin. Kesho utakuwa tena hitaji kingine. Le secours de l'Égypte c'est un secours qui est éphémère. Msaada ya Misri ni ya muda. Courte durée. Inakuwa ya muda mfupi. Oh, la joie que Dieu nous donne. Basi furaha ile Mungu atupatia. C'est une joie qui est éternelle. Ni furaha ya umilele. Quand Dieu sauve quelqu'un. Wakati Mungu anaokoa mtu. Il veut que ce quelqu'un soit dans la joie. Anapenda le mtu awe katika hali ya furaha. Et qu'il soit dans la joie éternelle. Ukuwe katika hali ya furaha ya umilele. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin de rentrer encore en Égypte. Ndio maana tutatia kurudia tena mu Misri. L'Égypte symbolise le monde. Ili inaonesha sasa ni picha ya dunia. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le monde? Nini kwa kabaila mu dunia? Or, il est écrit. Japo inaandikiwa. M'approcher de toi. Karibia wewe. Parce que toi Dieu tu es mon bien. Sababu wewe Mungu anakuwa mema yangu. Dieu est un bien pour ceux qui s'approchent auprès de lui. Mungu ni mema kwa wale wanamkaribia. Mais si tu t'éloignes de lui. Ukijitenga mbali naye. Il te tourne aussi la face. Naye anakugeukisha. Raison pour laquelle. Ndio maana. Nous avons besoin. Tunahitajia. De pouvoir toujours tenir. Kuweza kukankamana. Dans cette école où Dieu nous fait passer. Chele masomo yeye anapenda utupitisha. Bien aimé accepte. Upendo kubali tu. Parce que les souffrances présentes. Ba mateso ya leo. Ne seront plus à comparer avec la gloire à venir. Linganisha na ushindi wa kesho. Aujourd'hui tu souffres. Leo unateseka. Mais demain. Akini kesho. On va commencer à te regarder de loin. Utaanza kujiangalia kwa mbali. Parce que la gloire de Dieu qui va te couvrir. Utukufu ya Mungu itakufunika tu. Va faire en sorte que. Itafanya kama. Les autres commencent à s'étonner. Au wengine baanza kushangaa. C'est lui ou bien c'est quelqu'un d'autre? Yeye wala haina yeye. Mais les hommes diront que c'est lui. Watu watasema ndiye yeye. C'est Dieu qui travaille sur lui. Ni Mungu anatumika juu yake. Bien, mais viens, Dieu va travailler ta vie. Pendo Mungu atatengeneza maisha yako. Il pleuve qu'il neige. Kukuye tatizo. Le Dieu qui nous servons, c'est un Dieu qui récompense toujours ceux qui le servent. Et il se servira aussi pour que toi aussi tu puisses aussi avoir la récompense. Alors, quelle est l'attitude que nous pouvons observer dans le désert? Bien aimé, dans le désert, la première attitude à prendre, c'est le silence. Alléluia. Amen. Ce qui a manqué aux enfants d'Israël. Parce qu'ils parlaient beaucoup. À force de trop parler. On pêche. Et quand on pêche. On hérite Dieu. Alors la première attitude qu'on doit vraiment adopter. Quand on se retrouve dans un désert. Le silence. Amen. Amen. Nous pouvons lire cela. On donne d'abord Exode 14:14. Twende mu kitabu ya Kutoka 14. Exode 14:14. Kutoka 14. Shaili ya kusoma ya 14. L'Éternel combattra pour vous et vous garder le silence. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Éternel? Alléluia. Amen. Dieu dit garder silence. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël, ils viennent vers Élisée. Et ils disent à Élisée, aujourd'hui, ton maître sera enlevé. Mais la réponse de l'homme de Dieu, Élisée, l'ennemi n'a pas tremblé. Il n'a pas tremblé. Mais j'aime la réponse qu'il avait donnée. Taisez-vous. Je le sais aussi. Amen. Amen. Devant les difficultés, même si on te dit n'importe quoi, va voir les féticheurs, va chez tel prophète, dites à celui-là, tais-toi. Au ciel, il y a un Dieu qui se pourvoit. Alléluia. Amen. On te dit que tu es nu, tu n'as pas d'habit. Dites à celui-là, tais-toi. Parce que dans la Bible, Dieu dit ceci, il veut aussi les herbes qui sont dans le champ. Alléluia. Amen. Si Dieu est capable de vêtir les plantes ou soit les herbes qui sont dans les champs, à combien plus forte raison nous les humains? Bien aimé, tu es de la créature de Dieu. La Bible déclare tu as du prix à mes yeux. Dieu, quand il te voit nu, il va t'habiller. C'est pourquoi ceux-là qui vont te demander où est ton Dieu, dites-leur ceci. Taisez-vous parce que mon Dieu, il est vivant. Il se pourvoira. Même si les hommes ne le savent pas, mais Dieu le fera à ta place. Amen. Amen. Le silence, c'est une arme puissante. Quand on est vraiment accablé de problèmes, quand on a des soucis, bien aimé, la Bible déclare, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Pas de prières, pas de supplications. Et le Dieu qui voit, il va vous visiter. Donc les soucis doivent être vaincus. Nous avons défini le mot vaincre comme étant vraiment la victoire, ou soit la même mise, la maîtrise qu'on doit avoir. Tu as besoin d'avoir la même mise sur la situation qui t'accable maintenant. Mais en tout ça, Dieu a besoin que tu gardes le silence. On peut aussi nous lire dans, nous balancer Psaume 37, le verset 7. Tuende mkitabu ya Zaburi makumi tatu, shahili ya kusoma ya saba. Makumi tatu na saba. Psaume 37, verset 7. Zaburi makumi tatu na saba. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre lui. Contre celui qui réussit dans ses voies. Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Bien-aimé, gardez silence. Même si ceux qui sont autour de toi sont en train de réussir dans leur vie, bien-aimé, ce n'est pas bon de pouvoir s'irriter. Ne t'irrite pas. Garde silence. Espère en lui. Et Dieu te comblera. Dieu te visitera. Le silence, bien-aimé, c'est une arme puissante. Et celui qui tue le silence, il aura la victoire. Moïse dit aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus encore. Mais ce que Dieu vous demande, gardez silence. Qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu vois? Ne sois pas prompt à répondre. Il ne faut pas se mettre en colère. Mais garde silence. La Bible déclare, on attend les secours de Dieu dans le silence. Et c'est dans le silence que Dieu va te visiter. Mais si tu parles trop, tu risques de tout gâcher. Et la visitation de Dieu peut passer outre. Le silence dans la vie d'un chrétien. Nous sommes chrétiens, nous sommes peuple de Dieu. L'attitude lorsque nous sommes dans le désert, dans cette école, le silence, c'est une grande leçon. Amen. Amen. Nous avons une autre attitude que nous devons observer quand on est dans le désert. C'est garder sa langue en bride. Psaume 34, verset 14. Si on peut nous balancer psaume. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Psaume. Ok, ok. Préserve ta langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses. Préserve ta langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses. La langue. Ulimi. Bien-aimé, c'est à travers la langue qu'on arrive aussi à pécher. La langue, Dieu dit ceci, avant de parler, il faut devoir la tourner 7 fois. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu veux parler, il faut mûrir. Il faut discerner ce que tu veux libérer. Parce que si cela n'est pas discerné, et si cela est mauvais, en les libérant, tu risques de brûler toute une brousse. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle les enfants de Dieu, les peuples d'Israël, ils n'avaient pas gardé leur langue en bride. Ils ont été prompts à parler. Et ils s'attaquaient même à Moïse. Est-ce que c'est Dieu ici? Pourquoi il ne nous a pas laissés en Égypte? Nous devrions rester en Égypte. Là où on mangeait. Bien aimé, les espions, lorsqu'ils ont fait l'exploration à Canaan, ils ont trouvé une chose. Ce qui a été vraiment inconnu des autres peuples. C'est le pays qu'on va nous donner. C'est un pays où coule l'eau et le miel. Et ses habitants-là, nous servirons de pâture. Bien aimé, il devait être la nourriture pour les enfants d'Israël. Mais parce qu'ils ont été prompts à parler, ils ont murmuré, ils ont dit à Moïse, et Dieu voyant leurs pensées, Dieu appelle Moïse. Bien aimé, gardons notre langue pour ne pas irriter Dieu. Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous parlons? Comment est-ce que nous agissons? Quand la situation tarde, comment tu réagis? Quelles sont les paroles que tu profères? Comment tu considères Dieu dans les situations difficiles? Que ça soit difficile ou comment, garde silence et que ta langue soit vraiment aussi préservée. Préserve ta langue comme de l'or. Parce qu'en voulant trop parler, tu risques de t'essuyer et de rendre que la main de Dieu soit aussi courte pour ne pas te toucher. C'est pourquoi, si nous avons besoin de voir la main de Dieu, si nous voulons que la main de Dieu nous touche, que la main de Dieu nous atteigne, la langue doit être préservé. Bien, mais la langue, c'est une petite membrane. Mais elle est capable inaweza de brûler toute une brousse. Kuchoma pori elle yote est capable inaweza de semer la division. Kuleta achanisho. Tu entres dans une famille unaingia mujama na moyo où les gens sont unis. Bantu besa kusikilizana. Mais toi, kuhungana, quand tu entres là-bas, wewe pale unaingia, les gens ne se parlent pas. Bantu abata semana antena. Bien, mais ta langue, oh, tu dois la préserver. Unapasa kuikinga. Nous sommes dans l'église de Dieu. Tuko mukanisa ya Mungu. L'homme de Dieu qui a prêché le dimanche, mutu ya Mungu alihubiri siku ya Juma, il nous a dit ceci. Alisema hivi. on donne un programme. On vous donne un projet de l'église. Mais quand nous sortons en dehors de l'église, il y a des groupements. Tout ça, bien aimé, ça frise. Ça irrite Dieu. Nous devons éviter. Je l'avais dit l'autre fois, bien aimé. La grandeur d'une église, la dimension d'une église, dépend de la qualité de ses membres. Si nous sommes le membre du corps de Christ, comment est-ce que nous gérons notre langue? Bien aimé, la gestion de la langue, elle peut faire que l'église soit une église nombreuse. À travers ta langue, tu peux évangéliser et les gens viennent à Christ. Bien aimé, la bouche que Dieu nous donne, ce n'est pas pour proférer le mal, c'est pour annoncer la vérité. Pour que les gens connaissant la vérité, ils viennent vers Christ. La langue, elle nous a pas été donnée pour la séparation, pour la division. La langue ne nous a pas été donnée pour pécher contre l'Éternel. Chaque fois que nous disons du mal contre Dieu, et même nous sommes en train d'imiter Dieu. Raison pour laquelle il y a des attitudes à prendre. Caleb, Josué, Yoshua, ce sont deux gens qui ont été en séparation des autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont été trouvés dignes devant Dieu. Si tu veux vraiment bénéficier de la faveur de Dieu, détache-toi. Détache-toi. Détache-toi. La Bible déclare, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Dieu, il a les capacités. Si toi tu ne veux pas te séparer du mal, il peut te forcer. Et en te forçant, il va t'attirer vers lui. Raison pour laquelle ce soir, ces hommes, ils ont agi avec intégrité. Ils ont agi avec fermeté. C'est là où ils ont répondu à cet appel, à cette vision de l'église. À ceux du peuple qui ont leur Dieu, agiront avec fermeté. Ils n'ont pas fléchi devant quoi que ce soit. Ils ne fléchissons pas devant n'importe quelle circonstance. Nous sommes appelés à triompher. Nous sommes appelés à vaincre nos ennemis, nos difficultés, nos problèmes. Mambo, nous devons les maîtriser. Et Dieu a la capacité de pouvoir donner à quelconque qui croit en lui na Mungu, la force yote de pouvoir maîtriser ce qui nous domine. Uwezo ya kuweza kutiisha yote na kutawala. Tu n'es pas appelé à être dominé. Atuitwe kutawaliwa. Mais Dieu est appelé à dominer. Unaitwa wewe utawale. Amen. Amen. Et celui qui domine, mwenye anatawala, il va posséder. Ni yeye ataendelea. Si nous lisons dans la Bible, il y a des gens qui ont hérité Dieu. Nous ne pouvons pas lire, nous sommes dans Nombre 16. C'est l'histoire de Gorée, de Datan et Abinadab. Nous connaissons ces gens ici. Ce sont ces gens qui se sont irrités contre Dieu. Ils se sont emportés contre Moïse. Bien aimé, la conséquence, à travers leur langue, Dieu était fâché. Et malgré que Moïse avait imploré, bien aimé, Moïse a imploré à Dieu pour que Dieu ne puisse pas exterminer le peuple. Mais parce que Dieu tient à sa parole, le peuple qui avait murmuré contre lui, ces gens-là étaient exterminés. Et du temps de Gorée, c'était aussi la même chose. Ces gens s'étaient vraiment énervés, ils se sont montrés contre Moïse. Et bien aimé, Moïse, qui cherchait aussi à faire les plaidoyers. Mais Dieu avait dit ceci. Moi, je vais exterminer ces peuples. Bien aimé, ces trois personnes et leurs épouses et leurs enfants ont été précipités. La terre s'est ouverte. Et c'est la première fois où la terre s'était ouverte. Et ils ont été engloutis. Et la terre s'était renfermée. Et c'était la fin de leur histoire. Alléluia. Amen. Si nous ne voulons pas que nous puissions périr de la sorte, comment est-ce que nous nous comportons? Comment est-ce que nous agissons? Amen. Amen. Alors, que faire pour vaincre? Il faut orienter ses regards vers Dieu. Psaume 34, verset 6. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage n'est pas couvert de honte. Si tu veux rayonner, si tu veux vaincre, où est-ce que tu fixes tes regards? Où est-ce que tu arrêtes tes regards? Ayons les regards fixés vers Dieu. Alléluia. Amen. Que nos regards soient fixés vers Dieu. Parce que c'est lui le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ces peuples étaient en détresse. Taifa ilikuwa katika taabu. Mais ils ont manqué la révélation. Barikosa ufunulo. Qu'il fallait regarder à Dieu. Il passe au cas où Dieu pouvait les secourir. Face aux géants. Bien aimé, le problème ce n'est pas la taille de l'ennemi. Le problème c'est la révélation. Quelle est la révélation que tu as par rapport aux ennemis qui t'attaquent? Par rapport au problème qui t'entoure. Par rapport aux difficultés qui sont devant toi. David n'a pas regardé au géant Goliath. David a considéré Goliath comme étant un incirconcis. Donc c'était quelqu'un de rien. Et il a utilisé la parole de Dieu. Toi tu marches vers moi avec l'épée. Mais moi je marche contre toi avec la parole de Dieu. Et je m'avance au nom de l'Éternel. Et Dieu a besoin des gens qui sont en difficulté qu'ils puissent avancer au nom de l'Éternel. Si tu avances avec le nom de l'Éternel bien-aimé, tu auras du succès. Si tu proclames le nom de Jésus, tu auras du succès. Si tu confesses le nom de Jésus, tu auras le succès. Mais si tu vas avec ta force à toi, les géants, les gens vont te vaincre. C'est pourquoi David, ayant reçu la révélation, il a marché au nom de l'Éternel. Bien aimé, David n'a pas fait une prière d'une heure. David n'a pas fait une prière de deux heures pour que Goliath soit renversé. David a prononcé le nom de l'Éternel. Il a avancé au nom de l'Éternel. Et en avançant avec le nom de l'Éternel, que le géant Goliath a été renversé. Je prie que ce soit ton cas aussi ce soir. Dans les difficultés que tu rencontres, qui est-ce que tu appelles? Aimé ton grand-père, ton père, ton frère qui est ministre, il ne peut pas. Mais celui qui peut pour toi, c'est Dieu. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. Confesse seulement le nom de Jésus. La Bible déclare, si tu confesses le nom du Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur qu'il a été ressuscité des morts, tu seras sauvé. Bien aimé, le nom de Jésus sauve. Le nom de l'Éternel sauve. Et David, en prononçant le nom de l'Éternel, tout cela qui fuyait devant les géants et les voyaient les gens par la taille, mais par rapport à la force, Goliath était vraiment rien. La difficulté qui te ronge maintenant, bien aimé, si tu confesses le nom de Jésus, cette difficulté, tu vas la vaincre. Ce que Dieu veut que tu fasses, crois seulement, place ta confiance en Dieu. Ceux-là qui se confient en Dieu, ils ne seront jamais confiés. Malgré que le monde peut parler, mais le monde peut monter. Mais si toi tu as Dieu en toi, et si tu crois en ce Dieu, la victoire t'appartient. Alléluia. Amen. Et quand nous sommes en train de faire ça, wakati tunatenda hivyo, l'aboutissement de notre vie mwisho ya maisha yetu, sera un aboutissement meilleur. Itakuwa mwisho moya nzuri. Nous venons de lire dans Nombre 14, bien aimé. Tunasoma mkitabu ya Hesabu 14. Excepté les 10 autres. Isipokuwa bale baku, mais bakumi, Caleb et Josué, Caleb na Joshua, ils sont entrés. Wao walingia. Et c'est comme ce soir, toi aussi tu entreras. Wewe mangaliba leo na wewe utaingia. Mais je prie Dieu que tu entres dans ta destinée ce soir. Naomba Mungu fikie kifikio yako mangaliba. C'est que Dieu a prévu de faire pour toi. Ile Mungu alitayarisha kwa ajili yako. En 2026. Et 2026. Il faut que cela s'accomplisse. Afadhali itimizike. C'est que Dieu a voulu faire avec toi. Mungu alipenda kufanya pamoja nao. Amen. Pendwa. Que Dieu le fasse. Mungu aitimize. Parce qu'il dit, sababu anasema, il n'a jamais de tête. Akwaka ekake na ndeni. Et quand le juste crie, wakati mtu mwenye haki analamika, Dieu écoute. Mungu anamsikia. Alléluia. Amen. Si tu cries vers Dieu, ukimlalamikia huyu Mungu, Dieu écoute. Mungu atasikia. Bien-aimé, pendwa, la possession, kupata, de ta bénédiction, ya baraka yako, est possible. Inawezekana tu. Si tu acceptes ce soir. Kikubali tu mangaribia leo. Est-ce que tu acceptes que Dieu te donne ce que ton cœur désire? Basi unakubali kama Mungu atakupatia moyo wako unahitajia. La Bible déclare ici. Fais de l'Éternel tes délices. Mufanie Mungu mema yako. Te donnera ce que ton cœur désire. Atakupatia yote moyo wako unahitajia. Qu'est-ce que ton cœur désire ce soir? Moyo wako unahitajia nini mangaribia leo? Qu'est-ce que tu veux voir ce soir? Nini unataka kuona mangaribia leo? Dieu va te le donner. Mungu atakupatia hayo. La Bible déclare. Biblia inasema. Recommande ton sort à l'Éternel. Acha mambo yako mema. Mets à lui ta confiance. Weka tumaini yako ndani yake. Il agira. Bien-aimé, Dieu agit toujours. C'est pourquoi Jésus a répondu aux Juifs qui ne voulaient pas accepter un miracle de l'homme de 38 ans. Il disait, est-ce que c'est lui qui peut faire ça? Non, ce n'est pas lui. Et lui leur avait répondu. Bon, moi ce que je sais, j'étais aveugle, maintenant je vois. Alléluia. Amen. Si tu ne voyais pas, Dieu te bénit. Est-ce qu'il y a encore à discuter là-dessus? Non, nous avons seulement à témoigner. Ça c'est la main de Dieu. Alléluia. Amen. Ça c'est les doigts de Dieu. Bien aimé, on ne sait pas cacher les miracles de Dieu. Même si les sorciers cherchaient à nuit à t'empêcher à vivre ton miracle, ce soir, Dieu te dit, la victoire est certaine. Ne dis pas que dans la parole de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs par le nom de Jésus-Christ. Et nous l'avions vaincu à cause de son certain. Entre dans le cortège qui combat avec Dieu, la victoire. Ushindi. Elle est à ta porte. Iko kumilango yako. Ce soir, mangaribia leo. Fais de l'Éternel tes délices. Mufanie Mungu mema yako. Et Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Mungu atakupatia ile moyo wako unahitaji. Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Amen. Bien-aimés, nous voulons prier. Ndugu tunapenda kuomba. La promesse de Dieu ne pourrit jamais. Malako ya Mungu ayaribikake. Alléluia. Amen. La promesse de Dieu ne pourrit jamais. Malako ya Mungu ayaribikake. Joseph dit à ses frères. Yusuf aliambia banduku yake hivi. Quand je serai mort. Wakati nitafariki. Ne laissez pas mes os en Égypte. Mshache mifupa yangu mu Misri. Quand Dieu vous visitera. Wakati Mungu atawatembelea. Quand Dieu vous visitera. Wakati Mungu atawatembelea. Retournez mes os. Murudishe mifupa yangu. Bien-aimé. Pendwa. Ce soir. Mangaribia leo. C'est que Joseph avait dit. Ile Yusuf aliweza kusema. Cela était arrivé. Iliweza kufika vile. Cela était arrivé. Ilifikaka paka vile. Avec notre pharaon. Na mfalme mwingine. Bien-aimé. Pendwa. Dieu a commencé à faire des miracles. Mungu anaanza kufanya miujiza. Les enfants ont quitté l'Égypte. Watoto wa Israeli waliondoka Misri. Et en quittant l'Égypte, kutoka mu Misri, ils étaient obligés de prendre avec eux walipaswa kubeba les os de Joseph. Mifupa yote ya Yusufu. La promesse. Ile malako, elle ne pourrit jamais. Haiwezi kuharibika. Qu'est-ce que Dieu a déjà dit de ta vie? Nini Mungu anaweza kusema juu ya maisha yako? Qu'est-ce que Dieu a déjà parlé sur ta vie? Nini Mungu alisema juu ya maisha yako? Qu'est-ce que Dieu a déjà conçu pour ta vie? Nini Mungu alitayarisha juu ya maisha yako? Qu'est-ce que la parole de Dieu déclare sur ta vie? Nini malako ya Mungu inasema juu yako? Mangaribia leo. Nous allons nous lever. Tunapenda nous kuratuka. Allons confesser. Tunapenda tukiri. La parole de Dieu. Sauti ya Bwana. Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi. Dans sa maison. N'y aura pas de femmes stériles. Dieu dit ceci. Je souhaite à ce que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. Que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Les souhaits de Dieu. Levé de Dieu, que tu sois en bonne santé. Levé de Dieu, que tu aies des enfants et que ces enfants réussissent dans leur vie. Et que toi-même tu aies du succès. C'est pourquoi Josué nous dit ceci. Et celui de la loi ne sera point de ta bouche. Médite les jours et nuits. Parce que c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Le succès, bien-aimé, est possible. Si tu crois. Tu vas rencontrer le succès sur ta vie. Nous sommes debout dans la prière. Confesse les promesses de Dieu sur ta vie. Dis à Dieu, Seigneur, je veux te voir. Fais-moi posséder le pays. Tu as fait avec Josué. Tu as fait avec Caleb. Et la Bible déclare, les justes posséderont le pays. Bien-aimé, tu as appelé à posséder le pays. Prie que Dieu te donne ton héritage. Que tu te donne ton héritage, bien-aimé. Que tu vis ton état ce soir. Avec que Dieu tout est possible. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Alléluia. Oh Dieu, nous te prions pendant ce temps, Dieu. Nous t'élevons ce soir, Jésus. Oh Dieu, toi qui es capable de tout, Papa. Toi qui es capable de tout, cher Saint-Esprit. Oh, c'est possible, Seigneur. Père, tu l'as fait aussi au sang. Tu es capable aussi de le faire aussi avec moi. Tu es capable de réaliser aussi avec moi, Seigneur. Tu es capable d'agir aussi avec moi, Dieu. Oh, ma prière ce soir. Saint-Esprit de Dieu, viens accomplir tes promesses sur ma vie, Seigneur. Promesse d'élévation. Promesse de victoire, Saint-Esprit. Promesse de guérison, Seigneur. Promesse au Dieu d'élévation. Jésus, je crie auprès de toi. Tu ne m'as pas créé, Saint-Esprit, pour que je sois à la messe de Christ et ce soir. Pour que je sois, Père éternel, Dieu marginalisé. Pour que je sois Dieu au mépris des autres. Seigneur, tu as un plan merveilleux. Tu as un plan merveilleux, Saint-Esprit. Le plan que tu veux réaliser pour moi, Père. Oh, je prie ce soir. Que cela, Seigneur Dieu, se réalise. Que cela se concrétise ce soir, Saint-Esprit. Kati Kachina la Yetso Christ. Baba na kuita manga le Saint-Esprit. Na kuita koyo wakati mou. Na kuita koyo wakati Yesu. Wano nyone kanye. Manga le Seigneur Dieu. J'ai besoin de ces dieux. J'ai besoin de ce Dieu. J'ai besoin de ce Dieu. Le Dieu qui n'a point de dette. Le Dieu qui n'a point de dette de personne. Papa, ce soir. Oh Jésus, tu es Dieu. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Mon Dieu, le caniché. Je te donne vraiment ma vie.